côté de la mécanique parce que j'ai pété une durite. En électro, je suis minable, à chaque fois j'ai pété un câble. En janvier, quand t'es boulanger, tu finis par te geler les miches. Mais c'est ma pire que d'être laitier, j'en connais un qui se les caillait. Y'a pas de boulot, y'a pas de boulot.